Piste 28. Exercice 5. 1. Lorenzo est italien. 2. Satya est indienne. 3. John est américain. 4. Meriem est marocaine.